Heureux de vous retrouver, chers auditrices, auditeurs de la radio-télévision Isanganiro. Bienvenue, vous qui nous suivez, c'est le moment de l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, nous débattons sur la représentation de la femme dans les instances de prise de décision. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, à son article 242, stipule que des femmes, une fois mieux identifiées, mieux réorientées et mieux formées en fonction du marché de l'emploi, ces femmes pourraient mieux servir à la reconstruction du pays en accédant à des emplois rémunérés ou à des activités génératrices de revenus. Elles pourraient ainsi s'impliquer davantage en tant qu'agents de transformation sociale. Dans un atelier organisé par le ministère en charge du développement communautaire, en collaboration avec BLTP, Burundi Leadership Training Program, au mois de septembre en 2023, les études ont montré que la place réservée à la femme dans la famille montre à suffisance que leur mari les empêche à fréquenter les postes de prise de décision dans les formations politiques en passant par les élections ou par tout autre moyen. Au moment où l'on s'achemine vers les élections, plus d'un se demande pourquoi, jusqu'à l'heure qu'il est, les effectifs des femmes dans les instances de prise de décision sont toujours à un taux faible. Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour accéder à ces instances de prise de décision? Quel doit être le comportement de leur mari? Quel est le comportement qui doit être adopté par les formations politiques face à cette problématique? Quels sont les défis qui poussent les femmes à ne pas accéder à ces instances? Comment est-ce qu'elles doivent accéder à ces instances? Y a-t-il de l'espoir qu'à l'issue des élections prochaines, les choses pourront changer? Voilà les principales questions qui vont nous guider dans ce débat qui voit la participation de trois invités, à savoir Cécile Nshimirimana, présidente du parti Frolina. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque. Bonjour. Nous sommes aussi avec Cécile Nshimirimana, secrétaire générale adjointe de l'Union des femmes burundaises du parti Iprona. Bonjour à vous aussi et bienvenue dans Mosaïque. Merci et bonjour à toi et bonjour à nos auditeurs. Nous sommes également avec Anatolie Ndayishimiye du collectif des associations et ONG féminines du Burundi, CAFO Bansigle. Bonjour et bienvenue dans Mosaïque, madame. Merci, bonjour à tout le monde. À la cabine technique, je suis avec Eric Ouimana. Médar Niyonguru est à la réalisation et à l'animation de ce débat. Vous êtes avec Evariste Ndikobanyanga. Rebonjour et bienvenue. Mosaïque. Ouvrons cette table ronde avec la première question à l'endroit d'Anatolie Ndayishimiye du collectif des associations et ONG féminines du Burundi, CAFOB en sigle. Aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans les instances de prise de décision? Aujourd'hui, quand on observe ce qui se passe dans notre pays, la place de la femme est améliorée par rapport aux années antérieures. Nous avons des représentations autour de 40% au Parlement et au Sénat, mais nous sommes loin au niveau collinaire, où nous avons 19%. Et au niveau communal, nous sommes juste sur le minima de 33%. Mais nous avons l'espoir que ça peut augmenter. Et au niveau, ce sont les postes électifs. Si nous allons dans des postes techniques, là alors on a besoin d'une augmentation et d'une participation des femmes. Si je donne l'exemple du ministère de l'Éducation, les femmes sont représentées dans les postes de prise de décision à 19%. C'est très peu. Et on aimerait que les femmes, au niveau du ministère de l'Éducation, soient au moins représentées à 90%. Puisque beaucoup d'enseignantes sont des femmes. beaucoup d'élèves sont des filles. Alors, il faut qu'au moins, au niveau de ce ministère, les femmes soient beaucoup plus représentées que les hommes. Mm-hmm. Voilà ce que je peux dire. Selon vous, la situation, elle est comment? Elle est alarmante? Elle est moins alarmante? Elle est comment? La situation est passable au niveau des élections, mais vraiment alarmante au niveau des postes de technique. Oui, nous sommes avec Cécile Chimirimana. Félicitations d'abord. Vous avez été. Merci beaucoup. On vous a décerné le certificat de mérite. Je rappelle qu'au sein de l'OTB, vous êtes parmi les femmes qui sont dans des postes de prise de décision, des postes techniques. Vous êtes directeur commercial. Et cela ne suffit pas. Vous venez d'entendre Mme Anatoli dire qu'elle est dans les postes techniques, dans les postes de prise de décision. Le taux est toujours faible. Comment est-ce que vous trouvez la participation de la femme dans... pas dans les postes électifs, mais dans les postes de décision. Merci. Et pour les postes de décision, je peux dire que les femmes sont moins représentées. Et nous savons qu'au Burundi, plus de 50%, non plus de 52%, ce sont des femmes. Même si on regarde dans des écoles privées, dans des écoles secondaires ou dans des universités, on trouve que les femmes, on trouve que les filles, même si on considère leurs points. Ce sont les filles qui ont beaucoup de points par rapport aux garçons. C'est-à-dire que les femmes sont capables. Et même si on regarde dans les postes de nomination, on voit que les femmes travaillent et donc travaillent avec force, avec fierté. Et quand même, les femmes sont considérées comme des personnes qui donc, ne peuvent pas atteindre dans leurs objectifs, mais c'est faux. En regardant même dans les ménages, et souvent on dit que Umushatunga Arushumugore. Si tu trouves une femme très intelligente, c'est-à-dire que dans ton foyer, tu auras beaucoup d'argent, tu auras beaucoup de fortune. C'est la même chose même dans des services, même dans des places de prise de décision. S'il y a une femme qui se connaisse bien, c'est-à-dire que l'entreprise d'abord va donc se gérer bien. Elle va marcher. Oui, elle va marcher. Vous aurez quand même des dividendes. Parce que beaucoup de femmes ne sont pas des tricheurs dans des places de décision. Ça, c'est Mme Cécile de l'OTB. Oui, c'est par exemple. Vous avez été primée hier. Oui, oui. parmi tant des hommes. Donc, les hommes d'avant, ils ont démérité. Bien sûr. C'est à part la certificat qui le dit. Merci beaucoup à Madame Cécile du Florina. Nous sommes avec une autre Cécile. Oui. Cette fois-ci, l'Assemblée, le secrétaire adjoint. Le secrétaire général adjoint de l'UFB. De l'UPRONA. Comment est-ce que vous trouvez aujourd'hui la représentation de la femme dans tous ces postes-là, que ce soit électif, que ce soit les postes de prise de décision? Vous savez, je commencerai par dire que au niveau de la société burundaise, très patriarcale et religieuse, la combinaison des deux vont faire que au niveau de la représentation, il y a la sélection, il y a une limite parce qu'il y a des pesanteurs socioculturelles et religieuses combinées qui vont limiter cette participation des femmes à des postes électifs ou à des postes techniques. Mais une fois les femmes nommées, et les femmes ayant des capacités intellectuelles, académiques suffisantes, donc elles vont pouvoir travailler correctement et au niveau de leur poste, que ce soit technique ou électif. Je crois qu'au niveau de la législature que nous voyons autour de 40 au Parlement, au Sénat, devrait voir un moyen d'augmenter le taux pour voir l'efficacité. Parce que quand on est minoritaire, il est difficile de voir l'efficacité d'action. Alors, il faut augmenter les taux et voir l'impact et voir d'où l'on vient et d'où l'on va. Mm-hmm. Et là, il y a moyen alors de dire, on a passé de tel chiffre à tel chiffre, et voir comment il y a un impact positif sur la performance, mm-hmm. que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau législatif. Mm-hmm. Je crois que poser comme ça, il faut des études d'impact pour voir effectivement si ça a été 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, voir l'impact réel de cette augmentation de chiffre des femmes, mm-hmm. Et que ce soit au niveau technique ou au niveau législatif. Donc on va revenir ce qui doit être fait, mais aujourd'hui vous évoquez la religion, oui. la culture, oui. il y a aussi les coutumes. Ah, c'est ça la culture, il y a les coutumes dedans, mm-hmm. et ça crée un filtre, mm-hmm. un filtre pour voir la place de la fille dans la communauté, et parce que tout ce qu'on va faire, on va regarder à travers les coutumes. On va voir la religion est patriarcale par excellence. Donc, j'ai cumulé les deux pour voir que la place de la femme est ailleurs, dans le social, dans le culturel, dans la préservation des coutumes et mœurs, que plus donc de s'occuper de la sphère intérieure que d'aller s'occuper de la politique ou autre chose. Mais je me rappelle un jour, j'ai posé la question à un religieux, pourquoi les femmes ne sont pas prêtres? Ils ont dit dans le prescrit des textes, ce n'est pas comme ça. Et on comprend qu'elles ont leur rôle à jouer et les hommes ont leur rôle à jouer. C'est la même chose que dans la société burundaise. Aujourd'hui, on voit les servantes à l'église. Ça, c'est une évolution. Et celle qui va lire le verset biblique. C'est une évolution, mm-hmm. parce que la société ne peut jamais évoluer sans les femmes. Mm-hmm. Parce que elles donnent la vie. Mm-hmm. Elles vont restructurer les ressources humaines. Alors, si elles ne font pas partie de cette évolution, le monde ne va pas évoluer. Mm-hmm. Il faut alors qu'elles aillent à l'école. Remarquez que les premières formations n'ont pas inclus les femmes, notamment à Srida ou ailleurs. Mm-hmm. N'ont pas inclus les femmes. Donc, cette éducation tardive des femmes a fait que maintenant, on évolue dans un sens où il y a 20 ans, il y avait très peu de femmes. Mm-hmm. Et maintenant, il y a augmentation des chiffres. On est arrivé au quota en 2000 et on va exiger aussi les quotas à 50%. Mm-hmm. Donc, la société va changer par rapport à l'évolution du monde, parce qu'on ne peut pas rester en marge. Merci à Madame Cécile Sarimana. Madame Anatolie de Kafob, vous venez d'entendre certaines des causes qui freinent cet épanouissement de la femme au sein des instances de prise de décision. Au niveau de Kafob, auriez-vous mené des enquêtes pour voir les causes réelles qui pousse à la femme burundaise à ne pas s'épanouir et intégrer dans des postes de prise de décision? Au niveau du CAFOB, on n'a pas encore mené cette étude en la matière, mm-hmm. mais nous avons fait des études pour voir seulement le chiffre, la représentativité, parce que nous sommes dans une logique que, comme la Constitution nous donne la même place, les hommes, les femmes, filles et garçons, nous, au niveau du CAFOB, nous sommes dans la logique que les hommes et les femmes doivent partager les ressources du pays au même pied d'égalité et aussi avoir les places selon la mérite de chacun et aussi regardez si la femme, avec les mêmes compétences que l'homme, que la femme peut avoir une même place que l'homme. Et nous sommes dans cette logique-là où nous voulons que le Burundi soit un pays paisible, où il y a égalité homme-femme, où la décision est prise par les deux, c'est-à-dire les hommes et les femmes, et où aussi tout le monde a la place au soleil. C'est pour cela que quand nous faisons nos études, les causes qu'on a trouvées surtout, ça commence par au niveau même de la famille. Dans une famille où, c'est ce que même Cécile vient de dire, où la femme n'est pas considérée au même pied d'égalité que l'homme. Et à ce moment, même la fille n'est pas traitée de la même manière que son frère. Et c'est ça que nous avons remarqué. C'est pour cela même que nous sommes dans la communauté pour sensibiliser les familles, pour que dans une famille, l'homme et la femme se respectent mutuellement, partagent le plan de développement du ménage en collaboration avec les enfants pour que la société évolue en ayant dans leurs préoccupations égalité entre tous, pour que tout le monde se sente chez soi. Mm-hmm. Oui, on ne sera pas à l'encontre de l'adage burundais qui disait que la femme n'est pas égale à son mari, à l'homme, que l'homme c'est la tête de la famille et que les autres viennent après. Ça, être la tête ne veut pas dire que les bras et les jambes ne fonctionnent pas, puisque la tête seule ne peut pas fonctionner. Il faut que avec la tête, il faut qu'il y ait le cou, les membres inférieurs, les membres supérieurs, pour que la tête tienne correctement. C'est pour cela que pour nous voulons que cette tête marche avec les bras et les jambes et que tout le corps soit uni. C'est pour cela alors que nous prenons la transparence, la communication, la bonne cohabitation, le respect mutuel. Certains disent que ces revendications proviennent de l'Occident où on voit qu'il n'y a pas d'attachement au sein de la famille. L'homme, il est libre, la femme, elle est libre, même les enfants sont libres. Est-ce que vous pensez que ça va marcher avec la tradition burundaise ou la tradition africaine? Ça doit marcher et ça marche même. Parce qu'au Burundi, on considérait la femme, on donnait même la première place à la femme en disant que Mouchatunga Shumogore. C'était pour montrer la valeur de la femme. Donc c'était pour dire que sans femme, l'homme n'est rien. C'est. Alors tu comprends que ça ne vient pas de l'extérieur. C'est dans notre culture. C'est même un homme qui frappait sa femme, il ne devait pas avoir le statut de Bushinganai. C'était, tu vois comment notre pays respecte la femme et la fille, alors que il y en a qui... Mais certains disent que c'est au risque de voir les femmes, elles aussi, se venger et commencer à frapper les hommes. Non. Si une femme frappe l'homme, ce n'est pas la femme. On dit souvent que l'homme est impuissant. Non, ce n'est même pas la femme qui commence. C'est l'homme qui a commencé et la femme se défend. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas de femme qui frappe l'homme en premier lieu. C'est la femme se défend. Mais cette femme même qui se défend, elle se défend parce que elle en a assez. Au début, les femmes sont toujours gentilles. Merci beaucoup. Je suis avec Cécile Chimirimana du Frolina. Parmi les causes majeures, on évoque souvent, madame vient de l'évoquer, la constitution qui donne 30% de femmes. Au sein du parti Frolina, est-ce que les équilibres sont respectés? Ah oui, en commençant par moi-même. À la tête? Oui. Même si on regarde sur les listes qu'on a dressées, nous avons une représentation des femmes de plus de 40%. quand même. Le numéro un, c'est la femme, ou bien c'est l'homme? C'est moi-même. Non, la Constitution dit... Non, la Constitution est la Constitution. Mais là, dans le parti, c'est le parti. Et ce sont les deux choses différentes. Et puis la Constitution, bon, je pense que si on revient à... On revient dans des années, donc avant Arusha 1, on a invité que les hommes. Exact. C'est dans Arusha 2 où les femmes donc, se sont combatties pour entrer dans la salle. Déjà, c'est le premier pas. On n'avait rien. On n'avait pas même les 30%. Les femmes sont combatties jusqu'à arriver à 30%. Maintenant, dans le Parlement, nous avons plus de 40%. Donc, vous voyez l'évolution. C'est grâce à nos efforts que nous arriverons même à 50%, même à 60%. Pourquoi pas? Nous sommes là, nous sommes les femmes leaders et nous faisons donc des émissions qui éveillent les femmes à se faire élire et à lire. C'est-à-dire que les femmes de l'intérieur donc, se verront dans les places de prise de décision. Et c'est après ça où on va remarquer que la femme a dépassé même les 40% jusqu'à arriver au prix même de 60%. Quand vous arrivez à 60%, ça sera la discrimination des hommes. Discrimination de quoi? Des hommes. Oui. Mais si on considère les hommes représentent que moins de 50%. Nous, nous sommes à 50% et plus. Demain ou après-demain, bon, il y a la guerre qui frappe les hommes. Il y a aussi les travaux forcés qui frappent les hommes. Mais les femmes, nous sommes là. Et nous risquerons même d'arriver à 80%. Hein? Ça sera d'autant mieux. Madame, il y a les coutumes qui bloquent la fille et qui bloquent la femme. On voit souvent que les filles qui terminent les écoles secondaires, elles ont tendance à se marier. Est-ce que ça aussi, ce n'est pas un fléau? Ce n'est pas une cause qui... Est-ce que la fille et la femme n'est-elle pas responsable de cette infériorité dans la société? Non. Tu vois, la femme est frappée par beaucoup de choses. D'abord, il y a la pauvreté chez les femmes. Tu vois, les femmes ne peuvent pas porter les choses lourdes. Maintenant, on observe que donc, les étudiantes ou bien les sortissants des écoles... Qu'est-ce qu'ils font? Il faut que les rubis cachent là. Tandis qu'un homme, s'il a parvenu même à terminer ses études, il peut faire des travaux forcés et gagne beaucoup d'argent. Donc je pense que même la pauvreté joue un rôle très important où une femme se voit, où une fille se voit, l'essentiel c'est de se marier pour avoir de quoi vivre, donc pour vivre sa famille. Mais en réalité, Les femmes de 2020 n'est pas la femme de 2020. Non, la femme de 2000 n'est pas la femme de 2020. Vous voyez même qu'il y a l'évolution. Et je pense qu'au fur et à mesure, la femme se verra capable même de vivre seule, de se débrouiller, de vivre seule avec ses moyens propres. Merci beaucoup. Madame Cécile de l'UFP, vous avez évoqué beaucoup de causes qui bloquent la femme. Est-ce que les hommes ne bloquent pas les femmes? Est-ce que les femmes elles-mêmes ne se bloquent pas? Bonne question. Est-ce que les hommes bloquent les femmes réellement? Je ne saurais pas le dire. Toujours, il faut avoir des raisons exactes de le dire. Mais ce que je sais, c'est que la politique, par exemple, c'est comme une chasse gardée pour les hommes. Pour me faire monter jusqu'au sommet, jusque dans les organes moyennement, qui prennent des décisions, ça va. Mais arriver au sommet, c'est difficile. Alors, je pense que au niveau du blocage, ça vient de beaucoup d'éléments. J'ai évoqué les coutumes. J'ai évoqué le cumul du patriarcat familial et religieux. J'ai évoqué aussi les stéréotypes, liés au genre. Et ici, il faut penser aussi aux barrières institutionnelles. On vous dit 30%, Mais les femmes ne sont pas motivées à marcher. Avec 30%, ils disent nous sommes 54% ou 53% ou 52% de la population. Pourquoi nous museler jusqu'à 30%? Pourquoi ne pas prendre la proportion qui s'impose et au niveau de la population? Et il y a aussi le parcours de femmes qui sont semées d'embûches en politique. Donc ça bloque aussi l'arrivée jusqu'en haut. Je crois quand on dit que lors de l'alignement, c'est deux hommes et en troisième position une femme, quels sont les risques? Les risques, c'est que... avec... Et là, ce sont les hommes qui dirigent ce parti politique qui bloquent la femme. Oui. Chez Cécile, elle a commencé par soi-même. Même au niveau du parti prenant, on a eu des femmes à la tête du parti. Mm-hmm. Mais ça ne s'est pas amélioré pour autant. C'est une question d'évolution normale. On va passer d'un cap à un autre. Les femmes, quand elles se montrent qu'elles sont capables, elles doivent travailler sur leur personnalité, d'abord. Travailler sur leur carapace politique, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques qui s'opposent. On te bloque le chemin, il faut savoir contourner les obstacles. On se bat, il faut se battre. Hein. En politique, on se bat. Mais de manière très sage, très constructive, et tout le monde y arrive. Mais vraiment percer ce qu'on appelle le plafond de verre, déjà installé, qu'il y a un niveau à ne pas dépasser, c'est là où se trouve le blocage. Mais sinon, les blocages, on peut les contourner par la loi. Et c'est pourquoi j'ai dit, on est parvenu à mettre 30%, pourquoi ne pas faire 50%? Et comme ça, les listes seront zébrées. Hommes, femmes, hommes, femmes, ou femmes, hommes, ainsi de suite. Mm-hmm. Donc là, ça va déclencher de l'énergie chez les femmes pour pouvoir participer correctement. Ils disent, OK, j'ai une chance parce que j'ai vu qu'au moins un sur deux, c'est une femme. Mais nous avons combattu en politique, si je prends mon exemple, pendant longtemps. C'est la première fois que je vais sur les listes. Mais les filles qui sont derrière moi demandent, mais si elle n'est pas parvenue à y aller alors qu'elle a un niveau élevé, qu'est-ce que je vais faire moi qui ai un niveau inférieur? Donc là, il y a un manque d'exemples à suivre. Mais s'il y avait des exemples à suivre avec vous les journalistes, il faut déjà inviter les femmes qui ont réussi pour que tout le monde puisse écouter les femmes et président des partis politiques pour inspirer les autres, les filles et les jeunes filles pour pouvoir s'orienter en politique. Mais comme il y a beaucoup de crocs en jambes en politique, les femmes se découragent vite. Comme il y a aussi, manque de débat, de démocratie interne au parti, et ça aussi ça bloque. Parce que c'est pas si démocratique que ça. Je ne sais pas comment ma consoeur Cécile le fait, mais ce n'est pas si démocratique que ça, parce que les textes, ils sont travaillés taille sur mesure de quelque chose. Mais je pense qu'avec l'arrivée des femmes qui ont combattu, où les quotas sont beaucoup plus élevés, parce que j'ai rencontré dernièrement des femmes tête de liste, ou numéro 2 sur les listes. Mais elles sont très contentes parce qu'il y a aussi des ouvertures de financement qui sont là. Et les femmes et les filles ont des problèmes de financement des campagnes parce qu'elles n'ont pas accès aux ressources économiques. Elles ne sont pas soutenues dans la communauté parce que les gens ne sont pas encore aptes à comprendre l'importance d'une femme en politique. Cependant, je crois que c'est notre lutte en tant que femmes. Nous devons lutter. La première chose à faire, c'est se construire une image politique. La deuxième chose à faire, c'est créer des solidarités entre femmes. La troisième chose, je crois qu'il faut aussi cultiver la confiance en soi. Parce qu'on en manque, et on a évolué dans des familles où on nous disait « Vahijuru yabantu, kamagantu rumuntu, kenda hariya munyakigo, Voilà, il y a d'autres stéréotypes. Il faut vaincre ces stéréotypes, mais avec des femmes qui ont des pieds sur terre et la tête sur les épaules. Parce que c'est elles qui vont tracer un bon chemin pour drainer les autres derrière elles. Donc c'est une lutte, c'est à nous de lutter pour nos droits. Et nos droits, nous devons les arracher. Ils ne vont pas nous donner sur un plateau d'or. Nous devons lutter avec nos têtes, nos pensées, nos innovations et les mécanismes de vaincre ces stéréotypes. Montrer là où on vous a mis que vous méritez cette place, que vous avez mieux fait, comme elle le disait dans l'ETB, et comme il a eu des performances supérieures aux hommes. On lui a décerné un certificat d'honneur. Mais il faut enclencher des techniques comme ça pour primer les femmes qui réussissent. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc, nous devons aussi mériter cette place. Le mériter, c'est quoi? C'est avoir une bonne conduite, une bonne stature politique, de belles pensées communautaires et montrer la différence avec vos concurrents hommes. Parce que nous pouvons mettre de la valeur ajoutée en politique et changer les choses doucement. Parce que brusquer non plus, ce n'est pas bon. Donc il faut aller étape par étape. Merci beaucoup à Madame Cécile Nsabimana, Anatoli Ndayishimiye, au niveau du CAFOM. Vous venez d'entendre ce que les deux femmes ont évoqué. Cécile Dufrodina, elle dit, les femmes sont trop nombreuses. On peut même aller à plus de 60%. Il y a aussi Madame Cécile de l'UFB qui évoque le fait qu'il n'y a pas solidarité entre les femmes. On disait le chiffre des femmes aujourd'hui qui sont en âge de voter, c'est plus de 50%. Pourquoi les femmes ne peuvent pas se mettre ensemble pour constituer un parti politique qui va écraser, qui aura une majorité écrasante au niveau de la femme? Comment est-ce que vous mariez les deux histoires évoquées par les deux Céciles? D'abord, on se félicite du fait d'avoir ce minima de 30%. C'est le minima. C'est-à-dire que nous pouvons aller même à 100%. Voilà. Donc nous avons eu cette chance d'avoir le minima de 30%. Et la société civile a combattu pour avoir ça. Alors on se félicite d'avoir le minima de 30%. Malheureusement, on prend ce minima comme maximum. C'est ça qui n'est pas bien. Quant à la solidarité, on dit chaque fois, les femmes ne sont pas solidaires, les femmes ne convergent pas leurs idées, tout ça. Mais nous sommes dans une société où nous sommes tous comme ça. Si les hommes étaient solidaires, il y aurait au moins un seul parti politique pour les hommes. Et à ce moment, et les femmes auraient un autre parti politique femmes. Et s'il y a cette solidarité au niveau national, on aurait deux partis politiques. Un parti politique pour hommes, un parti politique pour femmes. Mais comme cette solidarité n'est nulle part, nous avons beaucoup de partis politiques et nous avons beaucoup d'idées. Chacun veut tirer sa couverture. Et à ce moment, on est ce qu'on est aujourd'hui. C'est pour cela que ces femmes-là, si je peux donner ma voix à Cécile de Leprona, alors que Cécile de Florina m'a promis une place au gouvernement quand elle sera présidente, à qui je vais donner la voix? Je donne la voix à celui qui m'a promis une place. Et les hommes et les femmes, nous sommes tous ainsi. Alors, cette question de solidarité de femmes, il ne faut même plus me poser cette question. Oui, puisque les hommes, bon, certains disaient... Il n'y a même pas de solidarité. Oui, si une femme se faisait élire à la tête, elle serait élue par toutes les femmes. Quand nous sommes dans des partis politiques, c'est le jet d'intérêt qui compte. C'est tout. Il n'y a pas de solidarité. Il n'y a pas de solidarité. Dans la politique, il n'y a pas de solidarité, il n'y a que les intérêts. Voilà. Alors là, on risque de rester derrière les hommes. On ne peut pas rester derrière. Nous sommes ici pour accompagner les femmes, pour les aider, pour les appuyer, pour les renforcer en leadership, pour les coacher, pour que les femmes élues puissent montrer un bon exemple. Exact. Et pour que demain ou après-demain, les filles, nos petites filles, nos arrières petites filles voient des exemples à ces femmes-là que nous avons accompagnées pour que la femme ait une place par sa propre initiative, son propre travail. Mosaïque. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que nous débattons aujourd'hui sur la place de la femme dans les instances de prise de décision et ce qui doit être fait à l'issue des élections prochaines. Vous venez d'entendre les défis qui sont évoqués par les participants à cette émission. Je ne sais pas si Mme Cécile a d'autres défis à dégager qui bloquent la fille, qui bloquent la femme. Bon, premièrement, avant de répondre à cette question, je voudrais rappeler à tous les parlementaires féminines. Moi, je ne vois pas pourquoi. Par exemple, si moi, je suis de Ngozi, j'ai été élue dans la province de Ngozi. Ma tâche, c'est quoi? Ma tâche, c'est de sensibiliser les autres filles qui restent. Donc, de leur montrer que moi aussi, j'étais comme elles. C'est toujours le manque de solidarité. C'est ce que je suis en train de dire. C'est un rappel à toutes les femmes qui ont été élues d'aller sensibiliser dans leur province, dans leur commune, dans leur zone. Comme ça, les filles qui se trouvent derrière elles, donc elles vont voir, ah, regarde, même la fille de terre, elle a été parlementaire, pourquoi pas moi? La fille de terre, elle a été ministre. Et moi, si j'étudie et si j'ai franchi les mêmes pas, je vais devenir ministre, je vais devenir parlementaire, je vais devenir peut-être une ambassadrice ou un directeur de l'usine ou bien d'une société quelconque. C'est à nous, les filles qui ont eu la chance d'étudier, d'aller dans les, quand même prendre les mains des autres pour les faire soulever, pour les montrer là où nous avons passé, pour et aussi qu'ils viendront nous remplacer. Mais malheureusement, si donc, tu es nommé et tu proviens de la province quelconque, tu arrives à Bujumbura, c'est fini. Ma commune, je laisse ma commune, et mes prédécesseurs, ils vont se débrouiller seuls. C'est ça qui freine les femmes. Nous ne sommes pas solidaires. Mais attention aux hommes. Le jour où les femmes, nous serons solidaires, vous allez fuir le pays. Oui. Et vous allez fuir c'est le mal qui va engendrer le mal. Non. Et puis l'autre, donc madame, elle a dit que même les hommes n'ont pas un parti politique pour les hommes seulement. Donc chez les hommes aussi, il y a manqué de solidarité. Voilà. Moi j'ai dit qu'en politique, c'est le jeu d'intérêt qui prime. Il n'y a pas de dire il y a les femmes, il y a les hommes. Non. C'est le jeu politique. C'est l'intérêt qui prime d'abord. Et puis les hommes, vous savez vous-même que vous êtes des égoïstes. Mais oui, les hommes veulent se placer dans les listes. Pour la première place, un homme. Deuxième place, un homme. Troisième place, une femme. Tu vois, quand est-ce que la femme donc, va remplacer le premier homme? Ce n'est pas évident que le premier homme soit nommé quelque part et le deuxième homme. Donc, vous nous donnez le paix possible. Mais le jour où la femme va occuper la première place, deuxième place, une femme, troisième place, un homme, le jour où cela arrivera, les hommes vont faire quoi? Ils vont fuir. Parce que vous n'aurez pas une place dans des places de prise de décision. Ils vont prendre les armes? Les armes, nous aussi, nous prendrons des armes, même il y a les femmes militaires. Merci madame. Oui. Madame Cécile Sabimana, de secrétaire générale adjointe de l'UFB, de Rona. Pour se mettre debout, on doit se servir de l'expérience d'ailleurs. Est-ce qu'en Afrique, on peut avoir les pays où la femme a émergé jusqu'à avoir un taux élevé de participation. Mm-hmm. Vous pouvez nous en parler de quelques exemples? Oui. Il y a des femmes en Afrique qui ont vraiment montré de bons exemples aux femmes du continent. Mm-hmm. Je prends l'exemple de la Tunisie. Mm-hmm. Je prends l'exemple du Maroc. Mm-hmm. Je prends l'exemple du Kenya. Mm-hmm. Et pourquoi pas du Libéria, Malawi, Tanzanie. Donc, on a des exemples de femmes qui ont réussi en politique et qui peuvent nous servir d'exemple, même en dehors du continent africain, nous en avons. Et je crois que la combativité des femmes va montrer le chemin aux autres. On peut savoir comment ça s'est passé, par exemple, en Tunisie? En Tunisie, l'exemple frappant était sous Bourguiba. Bourguiba a vu qu'il y avait une démographie galopante. À cette démographie, il a pensé, comment est-ce qu'on peut juguler ça? Mais sachant que les femmes ne sont pas instruites, elles ne vont pas comprendre. Alors, il a dit, toutes les filles à l'école. Toutes les filles à l'école. Aller jusqu'au niveau le plus élevé. Alors, le temps que ces filles passent à l'école, égale, pas de procréation. Donc, l'école, c'est obligatoire. Une solution importante pour pouvoir garder le plus longtemps possible la fille à l'école. Et pour éviter des mariages précoces. Oui. Et c'était des pays musulmans. Il a pris ce risque. Et maintenant, vous allez voir les femmes tunisiennes partout dans le monde, dans le système des Nations Unies, partout. Et puis, elles ont été, je pense, les premières en Afrique à avoir le droit de vote. Ça, c'est déjà quelque chose. Et le Burundi n'était pas loin, avec l'indépendance, avec les élections de 61. Guakasore est allé chercher le vote des femmes aux Nations Unies. Et ça a marché. Il a eu la victoire. Pour dire que le passé peut inspirer l'avenir. Et parce que même au niveau des autres pays, il y a beaucoup d'exemples à suivre. Parce que si un chef d'État veut résoudre un problème quelconque, il faut associer aussi la majorité féminine qui se trouve dans le pays. Parce que quand elles ont entendu, ils posent moins d'obstacles pour la réalisation des projets ou bien des orientations données. Alors, Bourguiba a trouvé une solution. Qui est-ce d'autre? On avait parlé dans notre pays. Et maintenant, vous voyez, au niveau du Burundi, le président met l'accent sur la jeunesse. Et la jeunesse, en général, c'est eux qui vont être les leaders de demain. Il faut que aussi cette jeunesse soit équilibrée. Et puis, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes dedans, des filles et des garçons dedans. À quel pourcentage? À 50-50. C'est toujours important d'avoir une égalité et de décider à la place de la masse qui reste. Comme ça, vous avez un équilibre bien tracé au niveau des décisions prises parce que vous n'oubliez aucune couche de la population. Je crois que au niveau du Burundi, nous pouvons trouver des solutions sur 10, 15, 20 ans. Il faut intégrer déjà l'égalité. Avant qu'on arrive sur des solutions, c'est le dernier point. L'avant-dernier point, est-ce qu'il y a-t-il de l'espoir que la donne pourra changer au Burundi au cours de la mise en place des institutions qui seront issues des élections prochaines? Si l'autorité publique vous entend ou... Très bonne question. Ouais. Tout est une question de volonté politique. Si demain, l'institution publique veut que 50% de femmes, 50% d'hommes au Parlement, au Sénat, il n'y a pas de souci. Les femmes, nous sommes sur les listes. Ils peuvent décider ainsi et nous avons 50-50. C'est une question de volonté politique. Et si cette volonté politique est manifeste au niveau le plus haut du pays, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que ça peut se faire. Cette volonté politique, j'insiste là-dessus, parce que nous avons déjà vu que là où les femmes ont pris le leadership, des vrais leaders, qui ne sont pas cooptés parce qu'elles sont femmes, mais parce qu'elles sont capables, là, elles ont vraiment travaillé de manière à satisfaire tout le monde parce que elles ont cette capacité à ne pas être corrompues, cette capacité à gérer la diversité et au niveau des idées et pouvoir aller à des instances de prise de décision de haut niveau. Il faut les essayer, voir ce qu'elles peuvent faire parce qu'on ne peut pas les juger sans les avoir nommées à ces postes. Il faut quand même que l'exécutif puisse décider beaucoup plus en faveur des femmes et voir s'il y a un changement positif au niveau de la communauté pour des développements socio-économiques. Vous parlez du faveur ou bien vous parlez du droit? Je parle du droit. Donc parce que nous avons les mêmes droits et c'est le moment d'appliquer la Constitution. C'est le moment d'appliquer les instruments juridiques internationaux qui nous donnent ce que tout être humain a droit. Le droit, par exemple, au niveau des instruments juridiques, nous avons la Constitution, la politique nationale genre, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La Convention de Beijing. La CEDEAW, donc Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Et les droits inaliénables. Et puis, vous avez la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez le protocole de Maputo qui a été signé mais qui n'a pas été ratifié. Et vous avez la Charte africaine de la jeunesse. On a toute une panoplie d'instruments juridiques internationaux. Mais nous avons un souci. Le souci est lequel? C'est que nous avons le droit coutumier, le droit moderne, qui se font la chasse quand il s'agit des intérêts des hommes ou des femmes. Ça, c'est un. Deux, nous avons les instruments internationaux qui sont là, mais qui ne sont pas intégrés dans le droit moderne. Parce que nous sommes lents à agir, même si on a ratifié, il y a des choses qui ne sont pas dans la loi. Alors, il faut qu'il y ait un équilibre entre les instruments juridiques nationaux, internationaux, et surtout améliorer certaines lois burundaises, notamment le droit à la succession, notamment... l'accès aux ressources économiques des femmes, prendre des mécanismes qui ne vont pas choquer au niveau culturel, mais qui peuvent quand même avoir, par exemple, si je dis un fonds de garantie d'accès aux ressources foncières des femmes. Ça peut arriver. Et il suffit que l'État le veuille. Un fonds d'accès aux ressources foncières. Alors, et prioritairement les femmes pourraient avoir leur propriété et aller se faire élire avec leurs propres moyens. Vous voyez, c'est un processus. Et ce processus, il faut que ça soit soutenu par la volonté politique. C'est une politicienne qui plaide pour sa faveur. Des mesures douces qui ne bousculent pas la tradition ni la communauté burundaise. Madame Anatolie Ndayishimiye du CAFOP, on trouve, on se rend compte qu'il y a toute une panoplie de conventions signées, les unes ratifiées, d'autres non, par le gouvernement burundais, et qui ne sont pas prises en compte. Comment est-ce que vous appréhendez ce fait que ces conventions ne sont pas mariées à la loi burundaise pour auto-promouvoir la femme burundaise? Il y a beaucoup de textes nationaux et internationaux qui prônent la promotion des droits des femmes. Mais comme Cécile le disait, c'est la volonté politique. Et avec cette volonté politique, qu'on mette en œuvre la Constitution, notre Constitution, c'est un bon texte, c'est un bon document qui donne tout aux femmes et filles. Mais ça compte aux femmes et 30%. Le 30%, c'est le minimum. Quand on dit minimum, c'est-à-dire qu'on peut avoir le maximum. Et le maximum, ça devient 100%. Maximum, c'est 100%. Mais le minimum, c'est 33%. C'est 30%. Et c'est le minimum. Pourquoi continuer à garder le minimum? Il faut monter. Pour monter, c'est qui? C'est la volonté politique. Ce sont les décideurs qui doivent adapter les textes pour augmenter ce minimum de 30 à 50%. Mais la Constitution elle-même donne égalité. 50-50. Tout le monde, les filles, les garçons, les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. Alors, si on en tient compte de cela, il n'y aura même pas de plainte. C'est pour cela que, comme elle l'a dit, c'est la volonté politique. Et nous espérons que demain ou après-demain, cette volonté politique va évoluer encore plus positivement pour qu'il y ait cette égalité femmes-hommes. Et quel est l'appel aux femmes? Ça concerne primo aux femmes? Et quel sera le rôle de la femme? Ailleurs dans le monde, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Ça concerne l'homme plus que la femme. L'homme, parce que si l'homme veut que la femme... Si l'homme veut que la femme ait la place, une bonne place, femme aura cette bonne place. Et si la femme veut la bonne place et que l'homme ne le veut pas, il y aura un combat toujours. Il y aura un combat toujours. Alors, il faut que l'homme d'abord comprenne que l'implication de la femme est très importante pour le développement du pays et pour le futur du pays aussi. Merci beaucoup, madame. Nous sommes dans la dernière minute. Cécile Chimirimana, vous aussi, qu'est-ce qui doit être fait pour que la femme accède à ces instances de prise de décision? Moi, je vais dire le contraire de ce que madame vient de dire. D'abord, nous les femmes. Parce que les 33% dont on n'ont pas venu parce que les hommes ont accepté. Nous avons revendiqué ça. Il y a eu donc des rapports que les femmes ont dressés. Il y a même des voyages que les femmes ont fait vers la Tanzanie pour revendiquer ça. C'est à nous, les femmes, de revendiquer en disant non, avec les 30% ou les 33%, nous voulons la parité. Nous voulons 50% et 50%. Donc dans cela, il y a la volonté des femmes qui prime d'abord. C'est nous de faire la sensibilisation aux autres femmes parce que nous sommes capables. De montrer que nous sommes capables. Parce que tu peux même aller sensibiliser les femmes. Donc les femmes vont te dire, non, moi je n'ai pas du temps. Avec la politique, c'est pour les hommes. Moi, patati patata. Non, il faut que nous, les femmes, nous regardons dans la même direction. Qu'est-ce que nous voulons? Pour y arriver, nous allons faire quoi? C'est ça. Donc, il faut être solidaire pour aller de l'avant. Oui, oui. Madame Cécile. Madame Cécile de Liprona ne va pas me dire que les femmes vont descendre dans la rue pour revendiquer ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des mécanismes. Il y a un changement de comportement. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons beaucoup de solutions à ce point. On peut proposer surtout des mécanismes un peu pas violents, pas brutals. Il faut pacifiquement revendiquer avec ce que nous avons, et surtout comme instrument juridique, on l'a vu. Mais aussi, il faut sensibiliser les femmes à leurs droits. C'est ce qu'elle vient de dire. Sensibiliser les femmes à leurs droits, et puis intégrer l'égalité des genres dans l'éducation familiale et scolaire dès le jeune âge. Parce que je crois que les familles ont un rôle à jouer, un rôle important à jouer. Vous avez eu un fils et une fille. Supposons que vous en avez deux. À chaque fois quand la fille va faire ce que le garçon fait, vous la réprimandez. Et c'est une bonne éducation. Non. Non. Donc, commençons par le noyau familial, la famille nucléaire. Et si un garçon fait la cuisine aujourd'hui, la fille le fait le lendemain. Si les travaux ménagers équilibrés, parce qu'on ne sait pas d'homme ce que ça nous réserve. Il faut travailler sur, justement, le noyau familial pour inculquer ces valeurs d'égalité, déjà à la maison. Intégrer les principes d'égalité à l'école. Tout le monde va à l'athlétisme, tout le monde va jouer au foot, tout le monde va jouer au basket, tout le monde. Donc, égalité à l'école. Et ne pas dire, ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. Ça, c'est déjà un déséquilibre au niveau de l'éducation. Mm-hmm. Alors, intégrer ce critère d'égalité en famille et à l'école en bas âge, ça va monter une société beaucoup plus construite, mm-hmm. avec des déconstruits sociaux. Parce que la socialisation, c'est ça qui tue nos communautés. Parce que c'est une socialisation genrée. Alors, les femmes font ça, les hommes font ça. C'est vrai. Chacun a ce qu'il s'occupe de ce qui lui est, comment dirais-je, prédestiné dans sa façon d'être. On ne va pas demander aux hommes de procréer, de mettre au monde des enfants. Non, les femmes portent les enfants. Les différences biologiques doivent être laissées au domaine biologique. Mais les différences au niveau des droits doivent être les mêmes, que ce soit la maison, que ce soit l'école. Ça, c'est un premier pas. Et puis, ça va créer, ça va faire évoluer des enfants équilibrés en matière d'égalité de genre. Deuxièmement, nous devons aussi promouvoir l'éducation des femmes en politique. Parce que les femmes ne sont pas éduquées en politique. Elles vont même prêter. Moi, j'ai demandé à des femmes de m'aider à mener campagne. Elles m'ont dit, moi, je suis partie, je travaille pour les œuvres religieuses, je ne peux pas t'aider. Mmh. Vous voyez? Donc, il n'y a pas d'éducation politique. Parce que la religion et la politique peuvent cohabiter pacifiquement. Ces mécanismes que je suis en train de dénoncer peuvent créer de bons leaders féminins et chrétiens en même temps. Parce que si les chrétiens, les vrais, faisaient la politique, il n'y aurait pas de désordre au niveau communautaire. Mmh. Et en dernier lieu? En dernier lieu, je vais souligner l'harmonie des textes juridiques et des lois nationaux par rapport aux instruments juridiques internationaux signés et ratifiés. Et ratifier ceux qui ne le sont pas encore. Et puis, il faut aussi réviser les lois et les textes burundais. En matière de code électoral, beaucoup plus. C'est le code électoral qui nous octroie 30%. Mais la constitution nous dit égalité. Le code pénal doit être ajusté. Le code du travail doit être ajusté. Et vous savez, le travail que la femme fait n'est pas valorisé. Notamment à la maison, mm-hmm. l'éducation des enfants, porter un enfant, l'élever, mm-hmm. le soigne. Nous sommes des mères, nous sommes des infirmières, mm-hmm. nous sommes des médecins, nous sommes des juristes, mm-hmm. nous sommes tout. Mais le travail que nous faisons n'est pas valorisé. Mais on ne va pas laisser l'enfant burundais à la crèche. La crèche, mais on peut alléger au niveau de la législation du travail. Comment est-ce qu'il faut alterner et le papa et la maman à garder l'enfant? Mais comme ce n'est pas encore là, ajustons juste ce qui est nécessaire au niveau du code électoral, 50-50, c'est tout. Mais sinon, franchement, l'éducation à la base, à la famille, dans la famille et au niveau de l'école primaire, déjà, il faut que tout le monde soit sensibilisé sur cette question. Et la lutte de la femme burundaise va continuer. Elle va continuer dans ce qu'elle la peut faire. La lutte va continuer, madame. Oui. Mais pas descendre dans la rue. Non, c'est pas... Pacifiquement. Oui, et c'est sur ces contributions et recommandations que se referme l'émission Mosaïque d'aujourd'hui, portant sur l'état des lieux de la place de la femme dans les instances de prise de décision. On était avec trois invités, Cécile Chimilimana du parti Ifolina. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et merci à tout le monde. J'étais aussi avec Cécile Chimilimana, secrétaire générale adjointe de l'Union des femmes de l'UPRONA, UFB. Merci à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. J'étais également avec Anatolie Ndayishimiye du collectif des associations et ONG féminines du Burundi CAFOB. Merci madame, à vous aussi d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation et on espère nous revoir avoir une autre occasion pour dire beaucoup plus. Oui, puisque la question de la femme, c'est une discussion de longue haleine. Oui, oui. Merci beaucoup. Eric Ouimana était à la cabine du son. Médard Niongourou était à la réalisation, à l'animation de Mosaïque. Vous étiez avec Evariste Nzikobanyanga. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Mosaïque.